Le beau jour par Léo Larguet. Ce dimanche de mai, me disait mon vieil ami Julien Dombelle, est tout pareil à un grand dimanche féerique qui fut le plus beau jour de ma vie. J'ai été au collège et j'avais ce matin-là, dans la chambre qui m'était réservée chez mon correspondant, troqué ma redingote contre un veston bleu, fleuri au revers d'un petit bouquet de violettes de Parme. Je ressemblais à un chérubin et je n'avais pas encore l'âge de Fortunio. Remontant l'avenue des Champs-Élysées, j'allais sonner à la porte d'un hôtel dont les fenêtres étaient fermées. Sous les violettes de ma boutonnière, mon cœur s'était arrêté de battre, et un valet de chambre vint ouvrir, en gilet rayé jaune et noir, comme un corselet de bourdon. « Madame Roselyon, » murmurai-je. Je fus introduit dans un salon tendu de soie bleue. Dans un cornet de sèvres s'épanouissaient des roses semblables à des corsages dégrafés, et couronnant une coupe de cristal, un énorme bouquet de muguet embaumait trop fort. Un bras nu souleva la portière, et je m'inclinai, tout le sang de mon cœur au visage. J'avais préparé une phrase, je ne la trouvais plus, je balbutiais. « Je vous demande pardon, madame, je venais pour une dédicace. » Et je tirai de ma poche un portrait de Roselyon, une de ces photographies qu'on vend au Palais Royal à côté de celle des vieux poètes, des acteurs illustres et des reines légitimes. Roselyon avait dansé un soir sur la scène d'un théâtre et la photographie, qui datait de cette époque, la montrait, épaulée bras nus, comme une divinité blonde. D'une plume d'or, une plume neuve, car la jolie fille avait peu l'habitude de tacher d'encre ses doigts charmants. Elle écrivit, après m'avoir demandé mon nom, quelques mots sur les cartons. Elle se leva, après avoir séché l'encre d'une pincée de poudre de riz. J'aperçus son bras nu dans la manche du peignoir et je me mis à trembler. Il fallut se confesser. Je voyais que j'avais depuis un an ce portrait dans mon pupitre, que j'avais voulu la voir, que je serais si heureux de lui offrir à déjeuner. Je lâchais, vermeil comme les roses qui s'effeuillaient dans leur vase, que si elle le voulait, nous irions à Robinson. Stupéfaite, Roselyon me regardait. Puis elle éclata d'un rire frais. La proposition lui paraissait tellement drôle. « Vous êtes trop gentil, » me dit-elle. « J'accepte. Nous irons déjeuner à Robinson. Je vais m'habiller. » Elle sonna. Une délicieuse soubrette parut, tenant une carte que la jeune femme jeta sur la table. « Je n'y suis pas. Je ne serai pas chez moi de tout le jour. » fit-elle. Lorsque je fus seul dans le petit salon bleu plein de roses mûres, j'osai regarder la carte et je lus. « Christian Salvatore, 22, régent de Carinthie. » Puis je tâtai mon porte-monnaie que j'avais peur d'avoir perdu. Un unique louis d'or y brillait, mais c'était une fortune pour mes 16 ans naïfs. J'avais 20 francs, et je devais traiter tout un jour une beauté célèbre qui refusait sa perte à des altesses. Elle voulut faire à pied le chemin qui séparait son hôtel de la gare. Elle avait mis une petite robe claire et simple, sans un bijou. À Robinson, elle choisit la guinguette la plus rustique, celle où l'on mangeait pour 2 francs une friture et un lapin sous les tonnelles. Elle avait l'air ainsi d'une jolie modiste. Et nul, parmi nos voisins, étudiants, grisettes, calicots et brodeuses, n'eût pu reconnaître cette Roselyon qui avait des diamants d'impératrice, des cheveux de lord, un hôtel au bois, un palais à Venise, et pour laquelle s'étaient tués 2 beaux jeunes hommes portant des noms sonores comme ceux des batailles dans l'histoire de France. Nous nous balançâmes sur la même escarpolette, nous fîmes 1000 folies innocentes et rustiques, et nous rentrâmes au coucher du soleil. Roselyon avait une charge de lilas. Elle avait dû donner des ordres avant son départ, car sa voiture l'attendait à la gare. Elle me quitta, et je vis que ses beaux yeux étaient pleins de larmes. Cette journée à la campagne, avec un enfant qu'il adorait, l'avait émue. Elle lui avait rappelé sans doute d'autres après-midi de soleil et de liberté, son adolescence, le premier amour, que sais-je. Dans mon trouble, j'avais oublié chez elle la photographie dédicacée. Elle me promit de me l'envoyer le lendemain, et je rentrai. Depuis que Paris est bâti, il y a eu des rois, des triomphateurs, des amoureux enivrés, mais je suis sûr que nul n'en foula jamais les pavés avec autant de joie et de fierté que moi, ce soir-là. Le lendemain, vers 5 heures, je fus appelé chez le proviseur. Mon correspondant y était déjà. Il tenait entre ses doigts la photographie de Roselyon. La divine paresseuse avait dû confier l'envoi de l'image à une soubrette, qui avait, pour plus de délicatesse, enveloppé le carton dans un papier léger et transparent. La morale se vengeait. Roselion avait ajouté à la dédicace. Elle parlait de Robinson, de Lila et de Soleil, et elle avait griffonné, n'ayant pas de papier à lettres sans doute, un mot sur la carte de Son Altesse Royale, Christian Salvatore II, régent de Carinthie. Elle me disait que j'étais gentil tout plein, qu'elle partait pour l'Italie et qu'elle se souviendrait de moi. Devant le proviseur, grisé par la journée de la veille, je fus sublime. Mais on me retira du lycée, et ma mère avertie me rappela en province. Quand je revins à Paris, 6 ans après, mon étoile n'y brillait plus. 6 ans, c'est long pour une jolie femme. Je crois qu'elle avait épousé un prince balkanien, je ne sais plus. Mais je n'ai jamais, malgré la vieillesse, vu passer un dimanche de mai sans penser avec attendrissement à celui-là. Et je refais quelquefois, tout seul, le pèlerinage de Robinson. C'était Le Beau Jour, par Léo Larguet.